Chapitre 95. La recommandation d'annoncer les bonnes nouvelles et d'adresser les félicitations. Allah Ta'ala dit: annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Sourate 39, versets 17 et 18. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément, et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. Sourate 9, verset 21. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate 41, verset 30. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Sourate 37, verset 101. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle. Sourate 11, verset 69. Sa femme était debout, et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Sourate 11, verset 71. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya. Sourate 3, verset 39. Rappelle-toi quand les anges dirent: ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Sourate 3, verset 45. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et notoires. Les traditions prophétiques, comme celles qui vont suivre, sont également très nombreuses et bien connues dans les recueils authentiques. 708. Selon Abdullah ibn Abu Awfa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a annoncé à Khadija, radiyallahu anha, une maison de perles creuses au paradis, où il n'y a ni vacarme, ni fatigue. Al-Bukhari et Muslim. 709. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, rapporte qu'il fit ses ablutions chez lui avant de sortir en se disant: je ne quitterai pas le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, aujourd'hui. Arrivé à la mosquée, il s'enquit au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam, et on lui répondit: il est parti dans cette direction. Abu Moussa ajouta: je sortis alors à sa recherche, en interrogeant les gens sur le chemin, jusqu'à arriver au puits d'Aris. Je m'assis devant la porte, en attendant que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ait fini ses besoins et ses ablutions. Puis je me levai et le trouvai assis au bord du puits, les pieds à l'intérieur du puits et les jambes découvertes. Je le saluai avant de retourner m'asseoir devant la porte en me disant: je vais être le portier du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui. Abu Bakr vint alors et poussa la porte. Je demandai: qui va là? Il répondit: Abu Bakr. Je lui demandai d'attendre, puis aller interroger le prophète, alayhi salatu wassalam. Ô messager d'Allah, Abu Bakr demande la permission d'entrer. Il me répondit: laisse-le entrer et annonce-lui qu'il ira au paradis. Je retournai vers Abu Bakr et lui dis: tu peux entrer, et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, t'annonce que tu iras au paradis. Abu Bakr entra et s'assit sur le bord du puits, à la droite du prophète, alayhi salatu wassalam, puis plongea également les pieds dans le puits en découvrant ses jambes. Je retournai à la porte et m'assis. Or, j'avais laissé mon frère en train de faire ses ablutions et avec l'intention de me rejoindre. Je me dis: si Allah veut du bien à mon frère, il le guidera à cet endroit. Soudain, quelqu'un secoua la porte. Je demandai: qui va là? Il répondit: c'est Omar ibn al-Khattab. Je lui demandai d'attendre et retournai auprès du messager d'Allah que je saluais. Omar demande la permission d'entrer, dis-je. Il me répondit: laisse-le entrer et annonce-lui qu'il ira au paradis. Je retournai vers Omar et lui dis: tu peux entrer, et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, t'annonce que tu iras au paradis. Il entra et s'assit à gauche du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, plongeant également ses pieds dans le puits. Je retournai à la porte et m'assis en me disant: si Allah veut du bien à mon frère, il le guidera jusqu'ici. Quelqu'un secoua la porte. Je demandai: qui va là? Il répondit: c'est Othman ibn Affan. Je lui demandai d'attendre, puis j'entrai et informai le prophète, alayhi salatu wassalam. Il me dit: laisse-le entrer et annonce-lui qu'il ira au paradis, après avoir été touché par un malheur. Je retournai vers Othman et lui dis: tu peux entrer, Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, t'annonce que tu iras au paradis après avoir été touché par un malheur. Il entra et, ne trouvant pas de place de leur côté, il s'assit en face d'eux. Saïd ibn al-Musayyib dit « Je l'ai interprété comme préfigurant la disposition de leur tombe. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu ajouta « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'a ordonné de garder la porte. » Il rapporta également que Othman, après l'annonce qui lui fut faite, loua Allah Ta'ala puis dit « Qu'Allah me vienne en aide. » 710. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte. Nous étions assis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un groupe comprenant entre autres Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, se leva puis s'absenta si longuement que nous craignîmes, moi en premier, une attaque dirigée contre lui en notre absence. Nous nous levâmes et je partis à la recherche du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. J'arrivai près d'un jardin appartenant aux Ansar, précisément à la tribu des Bani Najjar. Alors je tournai autour de ces murs en quête d'une porte d'entrée, mais en vain. Soudain j'aperçus un mince ruisseau d'eau, issu d'un puits situé à l'extérieur et pénétrant dans le jardin à travers le mur. Je m'y faufilai et réussis ainsi à rejoindre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui m'interpella « Abu Huraira ?»« Oui, ô messager d'Allah, » répondis-je. « Que t'arrive-t-il » demanda-t-il. « Tu étais avec nous, » expliquai-je, « puis tu t'es longuement absenté. Nous avons alors redouté, moi le premier, une attaque contre toi en notre absence. Je suis arrivé à ce jardin dans lequel je me suis faufilé comme un renard, laissant les autres derrière moi. « Ô Abu Huraira, » me dit-il en me tendant ses sandales, « prends mes sandales que voici et va annoncer le paradis à tous ceux que tu rencontreras derrière les murs de ce jardin et qui attestent sincèrement qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. » Et il cita le hadith en entier. Muslim. 711. Ibn Shumasa rapporte. Nous avons assisté aux dernières heures de Amr ibn al-As radiallahu anhu. Il pleura longuement et tourna son regard vers le mur. Son fils lui dit « Ô père, le messager d'Allah ne t'a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle du paradis ?» Le répétant deux fois, il se retourna alors vers nous puis dit « La meilleure chose que nous avons préparée est l'attestation qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, la ilaha illallah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Je suis passé par trois étapes différentes. J'ai d'abord été, à une certaine époque, le pire ennemi du messager d'Allah, et rien ne m'était plus cher que de pouvoir le tuer. Si j'étais mort dans cet état, j'aurais été au nombre des damnés de l'enfer. Puis lorsque Allah a établi l'islam dans mon cœur, je me suis rendu auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui ai dit « Tends ta main droite, afin que je te prête serment d'allégeance. » Il tendit sa main, alayhi salatu wassalam, mais je retins la mienne. Il me dit « Qu'y a-t-il, ô Amr ?» J'ai dit « Je souhaite poser une condition. « Laquelle ?» demanda-t-il. « Que me soient pardonnés mes péchés antérieurs, » répondis-je. Il dit « Ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui lui est antérieur comme péché, de même que l'émigration pour Allah, la hijra, et le hajj ?» À cette époque, personne ne m'était plus cher et n'était plus honorable à mes yeux que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si bien que je ne pouvais le regarder droit dans les yeux. Si on m'avait demandé de le décrire, je n'aurais pu le faire. Si j'étais mort dans cet état, j'aurais pu espérer être du nombre des élus du paradis. Enfin, la gestion de certaines affaires nous fut confiée sans que je sache si cela fut un bien ou un mal pour moi. Que nulle pleureuse et qu'aucun feu ne m'accompagne à ma mort. Lorsque vous m'enterrerez, tenez-vous autour de ma tombe le temps que prend en général l'un d'entre vous pour égorger un chameau et en distribuer la viande, afin que je puisse jouir de votre compagnie et réfléchir aux réponses que je donnerai aux messagers de mon Seigneur, les deux anges de la mort. Muslim. 712.